Le Lys dans la vallée, chapitre 19. Nous prîmes donc le chemin des Landes de Charlemagne, où la pluie recommença. À moitié des Landes, j'entendis les aboiements du chien favori d'Arabelle. Un cheval s'élança tout à coup de dessous une truisse de chêne, franchit d'un bond le chemin, sauta le fossé creusé par les propriétaires pour distinguer leurs terrains respectifs dans ces friches que l'on croyait susceptible de culture, et Lady Dudley s'alla placer dans la lande pour voir passer la calèche. Quel plaisir d'attendre ainsi son amant quand on le peut sans crime, dit Henriette. Les aboiements du chien avaient appris à Lady Dudley que j'étais dans la voiture. Elle crut sans doute que je venais ainsi la chercher à cause du mauvais temps. Quand nous arrivâmes à l'endroit où se tenait la marquise, elle vola sur le bord du chemin avec cette dextérité de cavalier qui lui est particulière et dont Henriette s'émerveilla comme d'un prodige. Par mignonnerie, Arabelle ne disait que la dernière syllabe de mon nom prononcée à l'anglaise, espèce d'appel qui, sur ses lèvres, avait un charme digne d'une fée. Elle savait ne devoir être entendue que de moi en criant « My dear !»« C'est lui, madame !» répondit la comtesse en contemplant sous un clair rayon de la lune la fantastique créature dont le visage impatient était bizarrement accompagné de ses longues boucles défrisées. Vous savez avec quelle rapidité deux femmes s'examinent. L'anglaise reconnut sa rivale et fut glorieusement anglaise. Elle nous enveloppa d'un regard plein de son mépris anglais et disparut dans la bruyère avec la rapidité d'une flèche. « Vite, à Clochegourde !» cria la comtesse, pour qui cet âpre coup d'œil fut comme un coup de hache au cœur. Le cocher retourna pour prendre le chemin de Chinon, qui était meilleur que celui de Saché. Quand la calèche longea de nouveau les Landes, nous entendîmes le galop furieux du cheval d'Arabelle et les pas de son chien. Tous trois, ils rasaient les bois de l'autre côté de la bruyère. « Elle s'en va !» « Vous la perdez à jamais, » me dit Henriette. « Eh bien, » lui répondis-je, « qu'elle s'en aille. Elle n'aura pas un regret. »« Oh, les pauvres femmes !» s'écria la comtesse en exprimant une compatissante horreur. « Mais où va-t-elle ?»« À la Grenadière, une petite maison près de Saint-Cyr, » dis-je. « Elle s'en va seule, » reprit Henriette d'un ton qui me prouva que les femmes se croient solidaires en amour et ne s'abandonne jamais. Au moment où nous entrions dans l'avenue de Clochegourde, le chien d'Arabelle jappa d'une façon joyeuse en accourant au-devant de la calèche. « Elle nous a devancés !» s'écria la comtesse. Puis elle reprit après une pause. « Je n'ai jamais vu de plus belle femme. Quelle main et quelle taille ! Son teint efface le lys, et ses yeux ont l'éclat du diamant. Mais elle monte trop bien un cheval !» Elle doit aimer à déployer sa force. Je la crois active et violente. Puis elle me semble se mettre un peu trop hardiment au-dessus des conventions. La femme qui ne reconnaît pas de loi est bien près de n'écouter que ses caprices. Ceux qui aiment tant à briller, à se mouvoir, n'ont pas reçu le don de constance. Selon mes idées, l'amour veut plus de tranquillité. Je me le suis figuré comme un lac immense où la sonde ne trouve point de fond, où les tempêtes peuvent être violentes, mais rares et contenues, en des bornes infranchissables, où deux êtres vivent dans une île fleurie, loin du monde, dont le luxe et l'éclat les offenseraient. Mais l'amour doit prendre l'empreinte des caractères. J'ai tort peut-être. Si les principes de la nature se plient aux formes voulues par les climats, pourquoi n'en serait-il pas ainsi des sentiments chez les individus ? Sans doute les sentiments qui tiennent à la loi générale par la masse ne contrastent que dans l'expression seulement. Chaque âme a sa manière. La marquise est la femme forte qui franchit les distances et agit avec la puissance de l'homme. Qui délivrerait son amant de captivité, tuerait geôliers, gardes et bourreaux, tandis que certaines créatures ne savent qu'aimer de toute leur âme. Dans le danger, elles s'agenouillent, prient et meurent. Quelle est de ces deux femmes celle qui vous plaît le plus? Voilà toute la question. Mais oui, la marquise vous aime. Elle vous a fait tant de sacrifices. Peut-être est-ce elle qui vous aimera toujours quand vous ne l'aimerez plus. Permettez-moi, cher ange, de répéter ce que vous m'avez dit un jour. Comment savez-vous ces choses? Chaque douleur a son enseignement, et j'ai souffert sur tant de points que mon savoir est vaste. Mon domestique avait entendu l'ordre. Il crut que nous reviendrions par les terrasses et tenait mon cheval tout près, dans l'avenue. Le chien d'Arabelle avait senti le cheval, et sa maîtresse, conduite par une curiosité bien légitime, l'avait suivi à travers les bois où sans doute elle était cachée. « Allez faire votre paix, » me dit Henriette en souriant, et sans trahir de mélancolie. « Dites-lui combien elle s'est trompée sur mes intentions. Je voulais lui révéler tout le prix du trésor qui lui est échu. Mon cœur n'enferme que des bons sentiments pour elle, et n'a surtout ni colère, ni mépris. Expliquez-lui que je suis sa sœur, et non pas sa rivale. » « Je n'irai point, » m'écriai-je. « N'avez-vous jamais éprouvé, » dit-elle avec l'étincelante fierté des martyrs, « que certains ménagements arrivent jusqu'à l'insulte. Allez, allez !» Je courus alors vers Lady Dudley pour savoir en quelle disposition elle était. « Si elle pouvait se fâcher et me quitter, » pensais-je, « je reviendrai à Clochegourde. » Le chien me conduisit sous un chêne, d'où la marquise s'élança en m'écriant « Away, away !» Tout ce que je pus faire fut de la suivre jusqu'à Saint-Cyr, où nous arrivâmes à minuit. « Cette dame est en parfaite santé, » me dit Arabelle quand elle descendit du cheval. Ceux qui l'ont connue peuvent seuls imaginer tous les sarcasmes que contenait cette observation sèchement jetée d'un air qui voulait dire « Moi, je serais morte !» « Je te défends de hasarder une seule de tes plaisanteries à triple dard sur Madame de Mortsauf, » lui répondis-je. « Serait-ce déplaire à votre grâce que de remarquer la parfaite santé dont jouit un être cher à votre précieux cœur ? Les femmes françaises haïssent, dit-on, jusqu'aux chiens de leurs amants. En Angleterre, nous aimons tout ce que nos souverains seigneurs aiment. Nous haïssons tout ce qu'ils haïssent, parce que nous vivons dans la peau de nos seigneurs. » Permettez-moi donc d'aimer cette dame autant que vous l'aimez vous-même. « Seulement, cher enfant, » dit-elle en m'enlaçant de ses bras humides de pluie, « si tu me trahissais, je ne serais ni debout, ni couché, ni dans une calèche flanquée de laquais, ni à me promener dans les landes de Charlemagne, ni dans aucune des landes d'aucun pays, d'aucun monde, ni dans mon lit, ni sous le toit de mes pères. » Je ne serai plus, moi. Je suis née dans le Lancashire, pays où les femmes meurent d'amour. Te connaître et te céder, je ne te céderai à aucune puissance, pas même à la mort, car je m'en irai avec toi. » Elle m'emmena dans sa chambre où déjà le confort avait étalé ses jouissances. « Aime-la, ma chère, lui dis-je avec chaleur. Elle t'aime, elle, non pas d'une façon railleuse, mais sincèrement. » « Sincèrement, petit, » dit-elle en délaçant son amazone. Par vanité d'amant, je voulus révéler la sublimité du caractère d'Henriette à cette orgueilleuse créature, pendant que la femme de chambre, qui ne savait pas un mot de français, lui arrangeait les cheveux, j'essayais de peindre Madame de Mortsauf en esquivant la vie, et je répétais les grandes pensées que lui avait suggérées la crise où toutes les femmes deviennent petites et mauvaises. Quoique Arabelle parût ne pas prêter la moindre attention, elle ne perdit aucune de mes paroles. « Je suis enchantée, » dit-elle quand nous fûmes seules, « de connaître ton goût pour ces sortes de conversations chrétiennes. Il existe dans une de mes terres un vicaire qui s'entend comme personne à composer des sermons. Nos paysans les comprennent, tant cette prose est bien appropriée à l'auditeur. J'écrirai demain à mon père de m'envoyer ce bonhomme par le paquebot, et tu le trouveras à Paris. Quand tu l'auras une fois écouté, tu ne voudras plus écouter que lui, d'autant plus qu'il jouit aussi d'une parfaite santé. Sa morale ne te causera point de ces secousses qui font pleurer. Elle coule sans tempête, comme une source claire, et procure un délicieux sommeil. Tous les soirs, s'il cela te plaît, tu satisferas ta passion pour les sermons en digérant ton dîner. La morale anglaise, cher enfant, est aussi supérieure à celle de Touraine que notre coutellerie, notre argenterie et nos chevaux le sont à vos couteaux et à vos bêtes. Fais-moi la grâce d'entendre mon vicaire. Promets-le-moi. Je ne suis que femme, mon amour. Je sais aimer. Je puis mourir pour toi si tu le veux. Mais je n'ai point étudié à Eton, ni à Oxford, ni à Édimbourg. Je ne suis ni docteur, ni révérend. Je ne saurais donc te préparer de la morale. J'y suis tout à fait impropre. Je serais de la dernière maladresse si j'essayais. Je ne te reproche pas tes goûts. Tu en aurais de plus dépravé que celui-ci. Je tâcherai de m'y conformer, car je veux te faire trouver près de moi tout ce que tu aimes. Plaisir d'amour, plaisir de table, plaisir d'église, bon claret et vertu chrétienne. Veux-tu que je mette un cilice ce soir? Elle est bien heureuse, cette femme, de te servir de la morale. Dans quelle université les femmes françaises prennent-elles leur grade? Pauvre moi, je ne puis que me donner, je ne suis que ton esclave. Alors pourquoi t'es-tu donc enfui quand je voulais vous voir ensemble? Es-tu fou, my dear? J'irai de Paris à Rome déguisée en laquais. Je ferai pour toi les choses les plus déraisonnables, mais comment puis-je parler sur les chemins à une femme qui ne m'a pas été présentée et qui allait commencer un sermon en trois points? Je parlerai à des paysans. Je demanderai à un ouvrier de partager son pain avec moi si j'ai faim. Je lui donnerai quelques guinées et tout sera convenable. Mais arrêter une calèche, comme font les gentilshommes de grande route en Angleterre, ceci n'est pas dans mon code à moi. Tu ne sais donc qu'aimer, pauvre enfant? Tu ne sais donc pas vivre? D'ailleurs, je ne te ressemble pas encore complètement, mon ange. Je n'aime pas la morale. Mais pour te plaire, je suis capable des plus grands efforts. Allons, tais-toi, je m'y mettrai. Je tâcherai de devenir prêcheuse. Auprès de moi, Jérémy ne sera bientôt qu'un bouffon. Je ne me permettrai plus de caresses sans les larder de versets de la Bible. Elle usa de son pouvoir, elle en abusa dès qu'elle vit dans mon regard cette ardente expression qui s'y peignait aussitôt que commençaient ses sorcelleries. Elle triompha de tout, et je me mis complaisamment au-dessus des finasseries catholiques. La grandeur de la femme qui se perd, qui renonce à l'avenir et fait toute sa vertu de l'amour. Elle s'aime donc mieux qu'elle ne t'aime, me dit-elle. Elle te préfère donc quelque chose qui n'est pas toi. Comment attacher à ce qui est de nous d'autre importance que celle dont vous l'honorez? Aucune femme, quelque grande moraliste qu'elle soit, ne peut être l'égale d'un homme. Marchez sur nous, tuez-nous, n'embarrassez jamais votre existence de nous. À nous de mourir, à vous de vivre, grands et fiers. De vous à nous, le poignard. De nous à vous, l'amour et le pardon. Le soleil s'inquiète-t-il des moucherons qui sont dans ses rayons et qui vivent de lui? Ils restent tant qu'ils peuvent et quand ils disparaissent, ils meurent. Où ils s'envolent, dis-je en l'interrompant. Où ils s'envolent, reprit-elle avec une indifférence qui aurait piqué l'homme le plus déterminé à user du singulier pouvoir dont elle l'investissait. Crois-tu qu'il soit digne d'une femme de faire avaler à un homme des tartines beurrées de vertu pour lui persuader que la religion est incompatible avec l'amour? Suis-je donc une impie? On se donne ou l'on se refuse? Mais se refuser et moraliser, il y a double peine, ce qui est contraire aux droits de tous les pays. Ici, tu n'auras que d'excellents sandwichs apprêtés par la main de ta servante Arabelle, de qui toute la morale sera d'imaginer des caresses qu'aucun homme n'a encore ressenties et que les anges m'inspirent. Je ne sais rien de plus dissolvant que la plaisanterie maniée par une Anglaise. Elle y mit le sérieux éloquent, l'air de pompeuse conviction sous lequel les Anglais couvrent les hautes niaiseries de leur vie à préjugés. La plaisanterie française est une dentelle avec laquelle les femmes savent embellir la joie qu'elles donnent et les querelles qu'elles inventent. C'est une parure morale, gracieuse comme leur toilette. Mais la plaisanterie anglaise est un acide qui corrode si bien les êtres sur lesquels il tombe qu'il en fait des squelettes lavés et brossés. La langue d'une Anglaise spirituelle ressemble à celle d'un tigre qui emporte la chair jusqu'à l'os en voulant jouer. Arme toute puissante du démon qui vient dire en ricanant « Ce n'est que cela !» La moquerie laisse un venin mortel dans les blessures qu'elle ouvre à plaisir. Pendant cette nuit, Arabelle voulut montrer son pouvoir comme un sultan qui, pour prouver son adresse, s'amuse à décoller des innocents. « Mon ange, me dit-elle quand elle m'eut plongé dans ce demi-sommeil où l'on oublie tout, excepté le bonheur, je viens de me faire de la morale aussi, moi. Je me suis demandé si je commettais un crime en t'aimant, si je violais les lois divines, et j'ai trouvé que rien n'était plus religieux ni plus naturel. Pourquoi Dieu créerait-il des êtres plus beaux que les autres, si ce n'est pour nous indiquer que nous devons les adorer? Le crime serait de ne pas t'aimer. N'es-tu pas un ange? Cette dame t'insulte en te confondant avec les autres hommes. Les règles de la morale ne te sont pas applicables. Dieu t'a mis au-dessus de tout. N'est-ce pas se rapprocher de lui que de t'aimer? Pourra-t-il en vouloir à une pauvre femme d'avoir appétit des choses divines? Ton vaste et lumineux cœur ressemble tant au ciel que je m'y trompe comme les moucherons qui viennent se brûler aux bougies d'une fête. Les punira-t-on, ceux-ci, de leur erreur? D'ailleurs, est-ce une erreur? N'est-ce pas une haute adoration de la lumière? Ils périssent par trop de religion. Si l'on appelle périr, se jeter au cou de ce qu'on aime. J'ai la faiblesse de t'aimer, tandis que cette femme a la force de rester dans sa chapelle catholique. Ne fronce pas le sourcil. Tu crois que je lui en veux? Non, petit. J'adore sa morale qui lui a conseillé de te laisser libre et m'a permis ainsi de te conquérir, de te garder à jamais. Car tu es à moi pour toujours, n'est-ce pas? Oui. À jamais? Oui. Me fais-tu donc une grâce, sultan? Moi seule ai deviné tout ce que tu valais. Elle sait cultiver les terres, dis-tu. Moi, je laisse cette science aux fermiers. J'ai mieux cultivé ton cœur. Je tâche de me rappeler ces enivrants bavardages afin de vous bien peindre cette femme, de vous justifier ce que je vous en ai dit et vous mettre ainsi dans tout le secret du dénouement. Mais comment vous décrire les accompagnements de ces jolies paroles que vous savez? C'étaient des folies comparables aux fantaisies les plus exorbitantes de nos rêves. Tantôt des créations semblables à celles de mes bouquets, la grâce unie à la force, la tendresse et ses molles lenteurs, opposées aux irruptions volcaniques de la fougue. Tantôt les gradations les plus savantes de la musique appliquées au concert de nos voluptés, puis des jeux pareils à ceux des serpents entrelacés. Enfin, les plus caressants discours, ornés des plus riantes idées, tout ce que l'esprit peut ajouter de poésie au plaisir des sens. Elle voulait anéantir sous les foudroiements de son amour impétueux les impressions laissées dans mon cœur par l'âme chaste et recueillie d'Henriette. La marquise avait aussi bien vu la comtesse que Madame de Mortsauf l'avait vue. Elles s'étaient bien jugées toutes deux. La grandeur de l'attaque faite par Arabelle me révélait l'étendue de sa peur et sa secrète admiration pour sa rivale. Au matin, je la trouvai les yeux en pleurs et n'ayant pas dormi. « Qu'as-tu ? » lui dis-je. « J'ai peur que mon extrême amour ne me nuise, » répondit-elle. « J'ai tout donné. Plus adroite que je ne le suis, cette femme possède quelque chose en elle que tu peux désirer. Si tu la préfères, ne pense plus à moi. » Je ne t'ennuierai point de mes douleurs, de mes remords, de mes souffrances. Non, j'irai mourir loin de toi, comme une plante sans son vivifiant soleil. » Elle sut m'arracher des protestations d'amour qui la comblèrent de joie. Que dire en effet à une femme qui pleure au matin? Une dureté me semble alors infâme. Si nous ne lui avons pas résisté la veille, le lendemain, ne sommes-nous pas obligés à mentir, car le code homme nous fait en galanterie un devoir du mensonge. « Eh bien, je suis généreuse, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Retourne auprès d'elle. Je ne veux pas te devoir à la force de mon amour, mais à ta propre volonté. Si tu reviens ici, je croirai que tu m'aimes autant que je t'aime, ce qui m'a toujours paru impossible. » Elle sut me persuader de retourner à Clochegourde. La fausseté de la situation dans laquelle j'allais entrer ne pouvait être devinée par un homme gorgé de bonheur. En refusant d'aller à Clochegourde, je donnais gain de cause à Lady Dudley sur Henriette. Arabelle m'emmenait alors à Paris, mais y aller n'était-ce pas insulter Madame de Mortsauf? Dans ce cas, je devais revenir encore plus sûrement à Arabelle. Une femme a-t-elle jamais pardonné de semblables crimes de lèse-amour? À moins d'être un ange descendu des cieux, et non l'esprit purifié qui s'y rend, une femme aimante préférerait voir son amant souffrant une agonie à le voir heureux par une autre. Plus elle aime, plus elle sera blessée. Ainsi, vue sous ces deux faces, ma situation, une fois sortie de Clochegourde pour aller à la Grenadière, était aussi mortelle à mes amours d'élection que profitable à mes amours de hasard. La marquise avait calculé tout avec une profondeur étudiée. Elle m'avoua plus tard que si Madame de Mortsauf ne l'avait pas rencontrée dans les Landes, elle avait médité de me compromettre en rôdant autour de Clochegourde. Au moment où j'abordais la comtesse, que je vis pâle, abattue, comme une personne qui a souffert quelque dure insomnie, j'exerçais soudain, non pas ce tact, mais le flairé qui fait ressentir aux cœurs encore jeunes et généreux la portée de ses actions indifférentes aux yeux de la masse, criminelle selon la jurisprudence des grandes âmes. Aussitôt, comme un enfant qui, descendu dans un abîme, en jouant, en cueillant des fleurs, voit avec angoisse qu'il lui sera impossible de remonter, n'aperçoit plus le sol humain qu'à une distance infranchissable, se sent tout seul à la nuit et entend les hurlements sauvages, je compris que nous étions séparés par tout un monde. Il se fit dans nos deux âmes une grande clameur et comme un retentissement du lugubre « Consalmatum est » qui se crie dans les églises le vendredi saint à l'heure où le Sauveur expira. Horrible scène qui glace les jeunes âmes pour qui la religion est un premier amour. Toutes les illusions d'Henriette étaient mortes d'un seul coup. Son cœur avait souffert une passion. Elle, si respectée par le plaisir qui ne l'avait jamais enlacée de ses engourdissants replis, devinait-elle aujourd'hui les voluptés de l'amour heureux pour me refuser ses regards? Car elle me retira la lumière qui depuis 6 ans brillait sur ma vie. Elle savait donc que la source des rayons épanchés de nos yeux était dans nos âmes, auxquelles ils servaient de route pour pénétrer l'une chez l'autre ou pour se confondre en une seule, se séparer, jouer comme deux femmes sans défiance qui se disent tout. Je sentis amèrement la faute d'apporter sous ce toit inconnu aux caresses un visage où les ailes du plaisir avaient semé leur poussière diaprée. Si la veille j'avais laissé Lady Dudley s'en aller seule, si j'étais revenue à Clochegourde, où peut-être Henriette m'avait attendue, enfin peut-être Madame de Mortsauf, ne se serait-elle pas si cruellement proposée d'être ma sœur? Elle mit à toutes ses complaisances le faste d'une force exagérée. Elle entrait violemment dans son rôle pour n'en sortir point. Pendant le déjeuner, elle eut pour moi 1000 attentions, des attentions humiliantes. Elle me soignait comme un malade de qui elle avait pitié. « Vous êtes promenée de bonne heure, » me dit le comte. « Vous devez alors avoir un excellent appétit, vous dont l'estomac n'est pas détruit. » Cette phrase, qui n'attira pas sur les lèvres de la comtesse le sourire d'une sœur usée, acheva de me prouver le ridicule de ma position. Il était impossible d'être à Clochegourde le jour, à Saint-Cyr la nuit. Arabelle avait compté sur ma délicatesse et sur la grandeur de Madame de Mortsauf. Pendant cette longue journée, je sentis combien il est difficile de devenir l'ami d'une femme longtemps désirée. Cette transition, si simple quand les ans la préparent, est une maladie au jeune âge. J'avais honte. Je maudissais le plaisir. J'aurais voulu que Madame de Mortsauf me demandât mon sang. Je ne pouvais lui déchirer à belles dents sa rivale. Elle évitait d'en parler, et mes dires d'Arabelle étaient une infamie qui m'aurait fait mépriser Henriette, magnifique et noble, jusque dans les derniers replis de son cœur. Après 5 ans de délicieuse intimité, nous ne savions de quoi parler. Nos paroles ne répondaient point à nos pensées. Nous nous cachions mutuellement de dévorantes douleurs, nous pour qui la douleur avait toujours été un fidèle truchement. Henriette affectait un air heureux, et pour elle et pour moi. Mais elle était triste. Quoiqu'elle se dît à tout propos « ma sœur » et qu'elle fût femme, elle ne trouvait aucune idée pour entretenir la conversation, et nous demeurions la plupart du temps dans un silence contraint. Elle accrut mon supplice intérieur en feignant de se croire la seule victime de cette lady. « Je souffre plus que vous », lui dis-je en un moment où la sœur laissa échapper une ironie toute féminine. « Comment ? » reprit-elle avec ce ton de hauteur que prennent les femmes quand on veut primer leurs sensations. « Mais j'ai tous les torts. » Il y eut un moment où la comtesse prit avec moi un air froid et indifférent qui me brisa. Je résolus de partir. Le soir, sur la terrasse, je fis mes adieux à la famille réunie. Tous me suivirent au boulingrin où piaffait mon cheval dont ils s'écartèrent. Elle vint à moi quand j'en pris la bride. « Allons seuls à pied dans l'avenue, » me dit-elle. Je lui donnai le bras et nous sortîmes par les cours en marchant à pas lents, comme si nous savourions nos mouvements confondus. Nous atteignîmes ainsi un bouquet d'arbres qui enveloppait un coin de l'enceinte extérieure. « Adieu, mon ami, » dit-elle en s'arrêtant, en jetant sa tête sur mon cœur et ses bras à mon cou. « Adieu, nous ne nous reverrons plus. Dieu m'a donné le triste pouvoir de regarder dans l'avenir. Ne vous rappelez-vous pas la terreur qui m'a saisie un jour quand vous êtes revenu si beau, si jeune, et que je vous ai vu me tournant le dos comme aujourd'hui que vous quittez Clochegourde pour aller à la Grenadière. Eh bien, encore une fois, pendant cette nuit, j'ai pu jeter un coup d'œil sur nos destinées. Mon ami, nous nous parlons en ce moment pour la dernière fois. À peine pourrais-je vous dire encore quelques mots, car ce ne sera plus moi tout entière qui vous parlera. La mort a déjà frappé quelque chose en moi. Vous aurez alors enlevé leur mère à mes enfants, remplacé-la près d'eux. Vous le pourrez. Jacques et Madeleine vous aiment comme si vous les aviez toujours fait souffrir. Mourir ? Dis-je effrayé en la regardant et revoyant le feu sec de ses yeux luisants dont on ne peut donner une idée à ceux qui n'ont pas connu des êtres chers atteints de cette horrible maladie qu'en comparant à ses yeux à des globes d'argent bruni. Mourir ? Henriette, je t'ordonne de vivre. Tu m'as autrefois demandé des serments. Eh bien, aujourd'hui, j'en exige un de toi. Jure-moi de consulter Origet et de lui obéir en tout. Voulez-vous donc vous opposer à la clémence de Dieu ? Dit-elle en m'interrompant par le cri du désespoir indigné d'être méconnu. Vous ne m'aimez donc pas assez pour m'obéir aveuglément en toute chose comme cette misérable lady. Oui, tout ce que tu voudras, dit-elle poussée par une jalousie qui lui fit en un moment franchir les distances qu'elle avait respectées jusqu'alors. Je reste ici, lui dis-je en la baisant sur les yeux. Effrayée de ce consentement, elle s'échappa de mes bras, alla s'appuyer contre un arbre, puis elle rentra chez elle en marchant avec précipitation, sans tourner la tête. Mais je la suivis. Elle pleurait et priait. Arrivée au boulingrin, je lui pris la main et la baisai respectueusement. Cette soumission inespérée la toucha. « À toi quand même, lui dis-je, car je t'aime, comme t'aimait ta tante. » Elle tressaillit en me serrant alors si violemment la main. Un regard, lui dis-je, encore un de nos anciens regards. La femme qui se donne tout entière, m'écriai-je en sentant mon âme illuminée par le coup d'œil qu'elle me jeta, donne moins de vie et d'âme que je viens d'en recevoir. Henriette, tu es la plus aimée, la seule aimée. Je vivrai, me dit-elle, mais guérissez-vous aussi.